Il en a 17 ans, habite le Colorado. Timide et calme car ne se mettait personne à dos. Garçon influençable sur sa manière de penser. Après des conneries d'ado, sous antidépresseur, il fut placé. Eric avait 18 ans, fils d'un père de l'US Air Force. Il voulait des Marines, même étant dopé au Luvox. Eric a de la haine contre l'homme, son cœur est en guerre. Adepte de philosophie nazie, son dieu était Hitler. Le 20 avril 99 arrive au lycée. Avec des guns et dans leur poche, des bombes se sont glissées. S'installent tous deux à des endroits bien stratégiques. De part et d'autre du bahut et là reste statique. Ils sont placés aux deux portes de sortie du bâtiment et se mettent en travers pour qu'il n'y ait pas de survivants. Ils vont à la cafette, un témoin en tango. Ils entrent armés jusqu'aux dents pour un massacre à l'assaut. C'est l'histoire de deux jeunes hommes qui sont mal dans leur peau. Ont confondu le monde réel et les jeux vidéo. Étaient suivis par des psychologues qui croyaient au bluff. 13 assassinés se bat à prix à 99. Appuie sur la gâchette, une balle dans la tête. Regarde le sang coule sur les murs, mes frères c'est notre fait. Vas-y fais-leur payer, le mal qui nous en fait. C'est fou en foi au fait que race impure est à la fête. Ils tirent dans le tas et trois élèves ils assassinent. Armés de calibre 12, fusils à pompe et carabine. Ensuite ils traversent les couloirs et tirent sur ceux qui bougent. Ils tirent sans distinction, murs et sols sont devenus rouges. Compare ce massacre à une boucherie du Moyen-Âge. Ils savent qu'ils ne connaîtront jamais le troisième âge. Car c'est le troisième Reich qui planifie leur plan. Ils tuent les noirs, les juifs, métis, rebeux ou blancs. Imagine la peur, l'angoisse qui plaint dans le lycée. La peur, le stress de tomber nez à nez sur ses tarés. Les deux ont les fringues de l'armée comme une combinaison. Eric a un t-shirt avec marqué blanche sélection. Ils avaient tout prévu, tout calculé depuis des mois. Depuis la foi, depuis ces fous ont fait parler leur foi. Leur conviction SS planifiée dans leur pensée. Mélangée à la haine de s'être fait martyriser. C'est l'histoire de deux jeunes hommes qui sont mal dans leur peau. Ont confondu le monde réel et les jeux vidéo. Étaient suivis par des psychologues qui croyaient au bluff. 13 assassinés ce 20 avril à 999. Appuie sur la gâchette, une balle dans la tête. Regarde le sang coule sur les murs, mes frères c'est notre fait. Vas-y fais leur payer, le mal qui nous en fait. C'est fou en foi au fait que race impure est à la fête. C'est l'histoire de deux jeunes hommes qui sont mal dans leur peau. Ont confondu le monde réel et les jeux vidéo. Étaient suivis par des psychologues qui croyaient au bluff. 13 assassinés ce 20 avril à 999. Appuie sur la gâchette, une balle dans la tête. Regarde le sang coule sur les murs, mes frères c'est notre fait. Vas-y fais leur payer, le mal qui nous en fait. C'est fou en foi au fait que race impure est à la fête.